Depuis des siècles, Abraham avait achevé sa course terrestre. Ses descendants vivaient en Égypte, où ils étaient devenus les esclaves de Pharaon. Alors qu'ils gémissaient sous une dure servitude, Dieu s'est souvenu d'eux, et il a choisi Moïse pour les délivrer. C'est à Moïse, le 10e en liste des héros de la foi, dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Dès sa naissance, il fut l'objet d'une protection particulière du Seigneur. Selon la loi en vigueur, il aurait dû être jeté dans le Nil, car Pharaon avait donné ordre de faire périr tous les garçons des Hébreux. Mais ses parents ne se sont pas pliés à l'ignoble décret, et ils s'y sont refusés en vertu de leur foi, une foi profonde qui les persuadait de la souveraineté du Dieu de leur père, infiniment plus puissant que Pharaon lui-même. Nous lisons, chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, verset 23. « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. » L'attitude d'Amram et de Jochébed, les parents de Moïse, n'est-elle pas un inspirant exemple pour tous les parents chrétiens qui, aujourd'hui, sont invités à protéger leurs enfants d'un autre pharaon, Satan, qui en veut, non pas tellement à leur corps, mais surtout à leur âme immortelle? Au-delà de l'amour maternel de Jochébed et des soins paternels d'Amram, il fallait à ses parents une dose de courage peu commune pour oser résister à l'ordre royal. Ce n'était guère facile à des esclaves de cacher leur enfant et de s'occuper de lui avec suffisamment de discrétion pour que leurs oppresseurs ne se doutent de rien ou que leurs voisins, alertés par les pleurs du bébé, ne les dénoncent à l'autorité. Mais Amram et Jochébed croyaient à la puissance protectrice du Seigneur et pour eux, aucun des émissaires de la cour ne pouvait entraver les plans de Dieu pour Moïse, car, ils en étaient persuadés, l'Éternel avait pour cet enfant un avenir et de l'espérance. Parents chrétiens, c'est vrai que le diable voudrait compromettre l'avenir de votre enfant. Il ne négligera donc rien pour entraver sa croissance spirituelle et empêcher l'accomplissement de sa vocation pour Dieu. C'est pourquoi, faites comme les parents de Moïse. Ils ont confié à Dieu leur enfant, déposé dans une caisse de jonc au bord du fleuve. Cette caisse de jonc, tressée à la main, peut nous parler d'une arche de protection spirituelle construite par nos prières persévérantes. Bien sûr, le jour viendra, et pour beaucoup il est déjà venu, où vous ne pourrez plus veiller vous-même sur votre garçon ou votre fillette que vous devrez lâcher dans le courant du fleuve de ce monde. Il échappera peut-être à votre contrôle, mais il n'échappera pas au contrôle souverain du Seigneur qui se plaît, même après des années, à exaucer les ferventes prières de parents confiants en leur Seigneur. C'est par la foi que Moïse fut caché par ses parents qui ne craignirent pas l'ordre du roi. Continuez de prier avec foi, et qui sait si Dieu, qui a fait de Moïse l'instrument de sa puissance, le libérateur d'une nation et le premier écrivain du texte biblique, ne choisira pas aussi votre fils ou votre fille pour son glorieux service. Par un concours de circonstances dont Dieu seul pouvait être l'auteur, Moïse fut découvert par la fille de Pharaon qui en eut pitié. Et, suprême paradoxe, elle prit à sa solde la mère de l'enfant comme nourrice, alors que, selon le verdict royal décrété par son propre père, cet enfant n'aurait pas dû vivre. Puis, elle l'éleva à la cour, si bien que Moïse fut le seul garçon hébreu à bénéficier d'une éducation poussée. Il fréquenta même les plus hautes universités de l'époque et réussit brillamment ses études. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en paroles et en œuvres. Actes 7, 22. Or, la sagesse des Égyptiens était une chose, mais la puissance en paroles et en œuvres en était une autre. Et pour obtenir cette puissance, Moïse a dû un jour s'asseoir au banc d'une autre faculté, dont les cours durèrent 40 ans. Je ne parle pas ici d'une académie humaine, mais de l'école de Dieu. Une école que Moïse fréquentait en plein désert et dont il était l'unique élève. Pendant 40 ans, tout en faisant paître son troupeau, il fut enseigné chaque jour et à chaque heure par le meilleur des professeurs, l'Éternel lui-même. Et si Dieu a mis tant de soin à former son serviteur, c'est qu'il avait prévu pour lui une mission exceptionnelle, car il avait discerné en son disciple une disposition de cœur qui lui permettait de concevoir pour lui les plus hautes ambitions. Dans toute famille de croyants, le moment arrive où l'adolescent ne peut plus se contenter de la foi de ses parents. Une décision personnelle doit intervenir, engageant ce fils ou cette fille sur le chemin de la foi. Le jour vint où Moïse décida lui-même. À un moment précis, il a choisi délibérément pour l'Éternel et, à cet instant même, il a repris résolument le flambeau de la vocation que ses ancêtres, les patriarches, avaient déposé. Or, il appartient précisément au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux de nous révéler comment Moïse est parvenu à une vie de foi personnelle, versets 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Pourquoi Moïse a-t-il préféré l'aridité du désert à la fertilité des rives du Nil? Pourquoi a-t-il renoncé au luxe de la cour de Pharaon pour devenir berger du troupeau de son beau-père? Pourquoi s'est-il résolument détourné des trésors de l'Égypte, ces trésors dont regorgent aujourd'hui les musées du monde et le musée du Caire en particulier, pour mener une existence d'ermite dans les effroyables solitudes du Sinaï? Pourquoi encore s'est-il identifié au peuple de Dieu qui subissait de criantes injustices, alors qu'il aurait pu mener une existence dorée à la cour royale? Pourquoi enfin l'opprobre du peuple de Dieu est-il devenu pour Moïse un bien infiniment plus précieux que toutes les richesses matérielles qu'il laissait derrière lui en quittant l'Égypte? Pourquoi? Moïse était l'homme qui sut choisir. Sa foi en Dieu a écarté toute hésitation dans le choix qui fut le sien. Il aurait pu souscrire alors à ce que l'apôtre Paul a exprimé des siècles plus tard en ces termes. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 9. En Égypte, Moïse aurait eu droit aux honneurs dus à son rang. N'était-il pas le petit-fils adoptif de Pharaon? Il aurait pu jouir du péché pendant quelques années. Mais il aurait connu ensuite les amers regrets d'une vie manquée. Regrets que ni les diplômes ni les honneurs de la société des pharaons n'auraient pu dissiper. Au désert, c'était le contraire. Il apprenait à marcher par la foi, ce qui impliquait des privations, des renoncements et des souffrances. Mais là, Dieu se révélait à lui dans toute sa provision de bonté et d'amour. Et lorsque Moïse a été confronté avec la souffrance du peuple de Dieu maltraité par les commissaires de Pharaon, il a choisi sans hésiter d'être maltraité avec eux plutôt que d'être bien traité à la cour. Les trésors de l'Égypte n'avaient aucune valeur sur le plan éternel. Alors que la communion avec Dieu lui garantissait le bonheur éternel. Moïse ne regardait pas aux approbations des grandes semences, mais il avait les yeux fixés sur la rémunération, c'est-à-dire sur l'ultime récompense que Dieu réserve à tous ceux qui renoncent à tout par amour pour lui. Oui, Moïse a été l'homme qui sut choisir. Et son choix fut déterminé par sa foi, cette foi sans laquelle nul ne peut être agréable à Dieu. 35 siècles plus tard, une foi de cet ordre devrait nous inspirer dans nos options et nous montrer comment choisir. Oui, comment bien choisir. Le monde actuel nous propose, il est vrai, des trésors plus précieux que les joyaux laissés par les dynasties de l'Antiquité. La science du XXe siècle est bien supérieure à celle des Égyptiens d'il y a 35 siècles. Et que dire des jouissances du péché qui tentent de mille et une manières les croyants aujourd'hui? Le monde entier n'est-il pas esclave d'un roi plus artificieux que tous les pharaons? Un séducteur qui excelle dans l'art de présenter avec attrait ses convoitises trompeuses? Mais lorsque Dieu persuade un croyant, il lui montre que rien ici-bas ne comptera plus en dehors de son amour et de sa grâce. La jouissance du péché n'aboutit qu'au pire des esclavages. Les richesses du monde sont pourries. Les honneurs de la société ne sont qu'illusions. En contraste, les souffrances de Christ préparent un héritage de gloire. C'est pourquoi la colère du roi de ce monde, qui ne supporte pas qu'on lui échappe, nous fait découvrir la protection efficace de notre chef divin. Et le renoncement aux avantages terrestres nous fait goûter par avance aux arts de la récompense. Les choses visibles pâlissent devant la révélation de celui qui est invisible, au point que rien ne compte plus face à l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Oh, que cette foi vivante vous aide, chers auditeurs, à vous décider résolument pour Christ et ainsi à suivre dès aujourd'hui les traces de Moïse, l'homme qui sut choisir.